Dans le cœur de toutes mes fleurs, il y a des bateaux blancs et les bonnes senteurs de nos chauds printemps. Dans le cœur des bateaux blancs, il y a de vrais marins et le calme de leurs mains, c'est la douleur des mauvais temps. Monter à bord de l'aîné sud, quitter Rondière à 9h01, la pointe du bras n'est pas bien loin, une balade à l'île de Saint, un cormoran au petit matin, la mer d'Iroise. La douleur des mauvais temps, il y a les départs et les retours sous le vent, dans les couleurs de l'espoir, dans les couleurs de l'espoir, il y a les déferlantes et les coiffes noires des iliennes émouvante. Monter à bord de l'Hennessy, quitter Rondière à 9h01, la pointe du Rhin n'est pas bien loin, une balade à l'île de Saint, un cormoran au petit matin, la mer d'Iroise. Les iliennes aux yeux de feu vont cueillir quelques fleurs. Le marin est heureux, le bateau est à l'heure, le bateau est à l'heure. Il ramène les témoins ravis de cet espoir sans prix d'une nuit sur l'île Masseur. Monter à bord de l'aîné sud, quitter Rondière à 9h01, la pointe du Rhin n'est pas bien loin, une balade à l'île de Saint, un cormoran au petit matin, la mer d'Iroise c'est un écrin. Monter à bord de l'aîné sud, la pointe du Rhin.